Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 140. Des préceptes de la force. Préceptes concernant la force elle-même. Préceptes concernant les parties de la force. 1. Les préceptes de la force sont-ils convenablement formulés dans la loi divine? L'autorité de la Sainte Écriture nous est ainsi garante de la convenance de ces préceptes. Les lois reproduisent l'intention des législateurs, les préceptes qu'elles contiennent sont en harmonie avec les fins diverses qu'ils se proposent. La loi divine ayant pour but de rattacher l'homme à Dieu, ses préceptes sur la force, aussi bien que sur les autres vertus, sont donnés de la manière qu'il convient pour mettre l'âme en rapport avec Dieu. C'est dans de tels principes qu'il est dit, « Vous ne craindrez point vos ennemis, parce que le Seigneur votre Dieu, qui est au milieu de vous, combattra pour vous. » Deutéronome 23. Les lois humaines, au contraire, ont pour but les biens de ce monde, et c'est d'après la nature de ces biens qu'elles tracent leurs préceptes à l'égard de la force. Note. L'Ancien Testament renfermait des promesses temporelles, tandis que le Nouveau a des promesses spirituelles et éternelles. Il était nécessaire que l'Ancien apprît au peuple comment il fallait combattre matériellement pour ses possessions terrestres. Le Nouveau, au contraire, devait nous enseigner comment il convient de combattre spirituellement pour conquérir la vie éternelle. Selon ses paroles, le royaume des cieux souffre violence, et les violents seuls le ravissent. Matthieu 11, 12. Le démon, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer, résistez-lui, fort de votre foi. 1 Pierre 5, 8. Cependant, comme les dangers du corps peuvent nous détourner des biens spirituels, nous avons aussi dans la loi nouvelle des préceptes qui nous ordonnent de supporter avec courage les maux de ce monde. C'est ainsi que le Sauveur a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Matthieu 10, 28. Il ne faut pas être surpris de ne voir dans le décalogue aucun précepte sur la force. Ceux qui y sont contenus ont pour objet les premiers principes naturels qui doivent être reconnus de tout le monde, aussi concernent-ils les actes de justice, dont l'obligation est évidente. Le devoir de ne pas craindre les périls de mort n'était pas assez manifeste pour y figurer. Fin de la note. 2. La loi divine donne-t-elle des préceptes convenables touchant les parties de la force? Puisque, pour bien vivre, nous avons besoin, non seulement des vertus principales, mais des vertus secondaires adjointes aux vertus principales, la loi divine devait donner sur les unes et sur les autres des préceptes convenables. C'est ce qu'elle a fait. On peut le voir par toute la Sainte Écriture. Note. En ce qui est de la magnanimité et de la magnificence, qui ne touche à la force que par l'excellence et la grandeur qu'elles envisagent comme leur matière propre, les conseils convenaient mieux que les préceptes, ce qui excelle étant, en général, l'objet d'un conseil plutôt que d'un précepte. Il en est autrement de la patience et de la persévérance, qui concernent les afflictions et les peines de la vie présente. Avant de passer à la tempérance, nous éprouvons le besoin de faire remarquer combien sont belles et consolantes les vérités que notre saint docteur vient de nous révéler. Pourquoi faut-il que la force et les autres vertus qui s'y rattachent, telles que la magnanimité et la magnificence, soient, de nos jours, si peu connues et si peu enseignées, que la majeure partie des hommes en savent à peine le nom. Monseigneur Landriot, évêque de La Rochelle, adressait, il y a quelques années, à son clergé une instruction pastorale que l'on dirait avoir été écrite après la lecture méditée de ce magnifique traité. En voici deux passages. La vérité catholique est assez large pour se poser en rase campagne et ne point se cacher derrière les buissons, surtout quand l'erreur et l'hésitation peuvent être une cause principale de malentendus et de séparation entre nous et des hommes de cœur que, peut-être, il serait facile de ramener, ou du moins de ne pas éloigner davantage. Il est bon surtout, il est nécessaire que le clergé le comprenne de plus en plus, la doctrine de paix et de conciliation dans la vérité sera peut-être plus facile qu'on ne pense, alors que les légions d'âmes aimantes, épanouies sous les inspirations de la vérité, pleines de la substance des pères, respirant le souffle de saint Thomas, de saint Augustin, de saint François de Sales, appliqueront la vraie doctrine avec cette lumineuse irradiation du vrai et cette suavité du cœur que l'on trouve aux sources fraîches où se renouvelle la vie catholique. Au XVIIe siècle, il se forma, dans l'Église de France, une société d'hommes distingués par un ensemble de qualités supérieures, mais manquant de cette mesure qui s'arrête aux limites où la vérité devient une erreur par l'exagération. Il voulait la mutilation presque complète de l'homme dans les plus belles facultés de son esprit et de son cœur, le renoncement absolu et réel à tout ce qui élève, à tout ce qui réjouit en dilatant le cœur, à tout ce qui tend à faire du chrétien un être complet, un être ayant la science de sa force dans l'ordre de la nature, et marchant, sous l'œil de Dieu, au perfectionnement, à la transfiguration surnaturelle, mais jamais à l'anéantissement de ses facultés. Cet esprit de fanatique immolation a été condamné par l'Église, quand il s'est présenté sous sa forme la plus avancée, mais il est demeuré souvent, dans les meilleurs ouvrages, comme une demi-teinte et une transpiration latente qui ne va à rien moins qu'à fausser la direction des âmes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.